Pour rien au monde je ne changerai d'avis. Ce rendez-vous est déjà pris. C'est maintenant ou jamais et je choisis. Aujourd'hui je relève le défi. Et je pars en avant, prêt à combattre vents et marées. Est-ce une part d'insolence qui dirige mes pas? Et si le bonheur était là-bas? Et si l'amour c'était toi? Je ne passais plus mon temps à m'endormir. J'entends vivre ma vie comme je respire. Je ne passerai plus.